بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف في المسألة الرابعة وأربعين كاتريم كارون كاتريم مسألة في قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Que certes ceux qui ont mécru après avoir eu la foi, puis ensuite ont augmenté en mécréance, que leur tauba, leur repentir, ne sera pas acceptée. Et ceux-là sont les égarés. Surat Al-Imran, verset 90. Là, en réalité, dans cette mas'ala, l'auteur a parlé longuement, mais on va résumer ce débat, cette bahth, aux réponses directes. Car la quatrième réponse, il va développer un peu plus quel est le sens de là où ils vont en venir. Mais cela demande, déjà sera très très dur à traduire, d'une part, ce sera long. D'autre part, même moi, je ne serai pas en mesure de pouvoir tout éclaircir parmi ces paroles. Al-Muhim, c'est que l'essentiel est cité dans les quatre réponses qu'il va donner. Donc il dit « هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفراً لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا لأنه عبر بلن أدلت على نفي الفعل في المستقبل. Donc ce verset dans son apparence laisse entendre que celui qui apostasie après qu'il ait eu la foi et qui par la suite rajoute encore de la mécréance après son apostasie, qu'il n'est pas possible que s'il venait à se repentir qu'elle accepte de lui. Car Allah Azzawajal a employé le harf lan, qui est un harf de négation dans le futur. Et d'autres versets sont venus pour démontrer que Allah Azzawajal accepte la tauba de tout repenti si ce repentir a lieu avant la venue de la mort, avant l'agonie ou avant la levée que le shams, que le soleil ne se lève de son couchant. Comme ça parle dans le sens où il dit « Et dit à ceux qui ont mécru que si jamais ils cessent, il leur sera pardonné ce qu'ils ont fait précédemment. » Al-Anfal, verset 38, c'est-à-dire le butin. وقوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده et c'est celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Shura, la consultation, verset 25. وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, c'est-à-dire qui est le lever justement, que le soleil se lève de son couchant, comme cela a été expliqué dans des hadiths, que la foi ne servira en rien à celui qui n'a pas cru auparavant. C'est-à-dire les gens vont se mettre à croire à ce moment-là, mais cette foi ne leur servira plus à rien. La tauba ne sera plus acceptée. Al-An'am, verset 158. قال فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض آيات مقبولة من كل تائب وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشاهدوا أن الرسول حق إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. Donc on comprend du verset qu'on vient de citer de Al-An'am que Allah accepte la tauba du murtad si cela a lieu avant le signe de l'heure. Mathalan, dans sa parole, dans le sens où il dit, comment est-ce que Allah va guider un peuple qui a mécru après avoir eu la foi et qui ont témoigné, attesté que le messager était véridique. Et à la fin du verset, il dit, hormis ceux qui sont repentis après cela et qui sont réformés. Et certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Al-Imran, verset 86 à 89. Donc là, ce verset démontre bien qu'Afiqollihi ta'ala, illa lazina ta'abu, hormis ceux qui sont repentis. Qui montre que le ta'ib, même de l'apostasie, peut se repentir et revenir en islam. Yadulu lahu aydan, qawluhu ta'ala, ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. قال والجواب c'est un passage également que le cheikh cite, mais pour résumer, je ne le cite pas ici, car l'essentiel a été cité, alhamdoulilah. الجواب من أربعة أوجه. Donc maintenant, il va répondre à cela de quatre façons. الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع أبي العالية أن المعنى إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعض إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بما أصابوا من الذنوب في كفرهم. Que c'est le choix d'Ibn Jarir, de ce qui était apporté de lui par Rufay Abu Aliya, que le sens voulu par ceux qui ont mécru dans ce verset, ce sont les Yahoud. C'est-à-dire les Yahoud qui ont mécru en Mohammed après avoir su la vérité. Et cela avant son envoi. Ils ont su la vérité, ils connaissaient les signes de l'envoi de Mohammed et ils y croyaient. Et le fait qu'ils aient ajouté du coufre à leur mécréance, c'est pour tous les péchés qu'ils ont commis lors de leur mécréance également. لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم. Et donc dans le fait qu'ils n'accepteront pas leur tauba, c'est-à-dire des péchés qu'ils ont commis lorsqu'ils étaient dans la mécréance, tant qu'ils ne feront pas tauba de leur mécréance. يدل على هذا الوجه قوله تعالى وأولئك هم الضالون. Et s'y prouve cette réponse-là, la parole d'Allah dans le sens où il dit, et ceux-là sont les égarés. لأنه يدل على أن توبتهم مع إبقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. Qui démontre que leur tauba, tout en restant dans ce qu'ils font comme égarement, c'est-à-dire comme mécréance, quand même, elle ne sera pas acceptée. Et cela est apparent. Ça, c'est la première façon de répondre. الثاني وهو أقربها عندي. Deuxième, qui est la plus proche pour lui. أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذ تابوا عند حضور الموت ويدل على ذلك الوجه على ويدل لهذا الوجه أمرا. Donc le deuxième, c'est que leur tauba ne sera pas acceptée, c'est-à-dire s'ils font tauba au moment où la mort va leur venir. Et il dit cela est prouvé par deux points. الأول أنه تعالى بين في مواضع أخرى أن الكافر الذي لا يقبل توبته هو الذي يصر ولا الكفر حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت كقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات ثم إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا للذين يموتون هم كفار. Qu'Allah dans d'autres endroits dans le Coran a démontré que le kafir, celui dont la tauba n'est pas acceptée, celui qui persiste sur la mécréance jusqu'à ce que la mort lui vienne, et là à ce moment il veut faire tauba. Et là, Allah Azzawajal, dans le sens où il dit que la tauba n'est pas pour ceux qui ont fait du mal jusqu'à ce que la mort leur soit parvenue. Et il dit, je me repens maintenant, ni pour ceux qui meurent tout en étant mécréants. An-Nisa, verset 18. فَجَعَلَا التَّائِبْ عِنْدَ حُدُورِ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتْ عَلَى الْكُفْرِي سَوَى. Dans ce verset, Allah il a fait que celui qui se repent, ou qui plutôt qui veut se repentir au moment de la mort, et celui qui meurt sur la mécréance, il les a mis au même stade. Il les a rendus égaux, que leur situation est la même. وقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. Et sa parole qui dit que leur iman ne leur servira à rien lorsqu'ils auront vu notre châtiment. وقوله في فرعون, quand il dit châtiment, il parle sûrement de la mort. Ghafir, verset 85. وقوله في فرعون الآن وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين. Lorsqu'il a dit à Pharaon, lorsqu'il a dit je crois à ceux en croit à la divinité en laquelle ont cru Banu Israël, c'est-à-dire au moment où la mer allait s'abattre sur lui, il a dit, Allah Azza wa Jal, il lui dit dans le sens, maintenant, alors que tu as désobéi auparavant, et que tu étais du nombre des corrupteurs. Yunus, verset 91. C'est-à-dire après tous les signes qu'il a vus, c'est une fois que la mort lui a apparu qu'il a dit je crois. Alors qu'il croyait déjà au fond en lui, mais par orgueil, s'obstinait et se refusait à accepter cela et à se soumettre. Après, c'était le premier point par lequel il répondit à la question. Le deuxième, أَنَّهُ تَعَلَىٰ أَشَارَ لِذَلِكَ بِكُولِهِ ثُمَّ زْدَادُ كُفَرًا فَإِنُوْ يَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمْ تَوْبَتِهِمْ فِي وَقْتْ نَفْعِهَا. Et dit le deuxième point, c'est qu'Allah Azzawajal a indiqué dans sa parole, ensuite, ils ont ajouté de la mécréance. Car cela démontre quoi? Qu'ils n'ont pas fait tawbah au moment où celle-ci aurait pu leur être utile. C'est-à-dire après avoir mécru, après avoir apostasié, ils ont été encore plus mécréants qu'ils n'étaient auparavant, c'est-à-dire au moment où cette tawbah aurait pu être bénéfique pour eux. Ils ne l'ont pas fait. Et il cita l'avis de certains moufassirines qui virent cet avis également. Donc ça, c'était la deuxième réponse qui est la plus proche pour lui, pour l'auteur, que cela, ce verset concerne ceux qui veulent faire tawbah au moment de la mort, de l'agonie. Fa alif, troisième réponse. Anna ma'na lan tuqbala tawbatuhum ay imanuhum al-awwalu li butlanihi bi ridda ba'dahu. Wa naqala Ibn Jarir hadha al-qawl 'an Ibn Jurayj. Wa la yakhfa dha'fu hadha al-qawl wa bu'du 'an dhahir al-Qur'an. Et en fait, troisième réponse, c'est que leur tawba ne sera pas acceptée, c'est-à-dire leur foi qu'ils avaient auparavant, du fait qu'elle a été rendue invalide par leur ridda, par leur apostasie. Et il dit que c'est une parole qu'Ibn Jarir a rapportée selon Ibn Jurayj, et bien évidemment, il voit que cette parole, elle est très faible. Elle est très faible, s'oppose à la parole du Coran. Et la quatrième, Rabi', قال أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم. C'est-à-dire que leur tawba ne sera pas acceptée, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas, ils n'auront pas le tawfiq, Allah ne leur accordera pas la réussite afin qu'ils fassent une vraie tawba sincère. Pour qu'elle soit acceptée, parce que pour que la tawba soit acceptée, il faut qu'elle soit sincère. يدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا. Et ce qui est prouvé par rapport à Allah dans le sens où il dit, c'est-à-dire ceux qui ont cru, puis qui ont mécru, puis qui ont cru, puis qui ont mécru, et qui ont encore ajouté de la mécréance, cela Allah ne la pardonnera pas et ne les guidera pas sur la droiture. Allah wa shahid, qu'il ne guidera pas sur la droiture, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le tawfiq de pouvoir faire tawba. Surat An-Nisa, verset 137. فإن قوله تعالى ولا يهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة والهدى. Comme vient de le dire que cette partie-là du verset dit que Allah ne leur accordera pas le tawfiq pour faire une vraie tawba. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. Que ceux qui ont mécru et qui ont été injustes, que Allah ne leur pardonnera pas ni ne les guidera sur la voie droite. Hormis la voie qui mène vers le Jahannam, vers l'enfer. An-Nisa, versets 168 à 169. Donc là, il démontre que, quatrième point, c'est par rapport à ceux-là qui n'ont pas le tawfiq de pouvoir faire une vraie tawba. Nasuha. Ils ne sont pas muwaffaqoun pour cela, du fait que Allah sait que dans leur cœur, ils ne sont pas sincères. Donc la réponse la plus proche pour celle de l'auteur, c'était la deuxième, qui est que cela concerne les gens qui veulent faire tawba au moment de la mort. Non. Donc là, j'ai écourté, c'était beaucoup plus long que ça. J'ai écourté le ders, et en espérant que cela ait été compris. Fabi hadal qad naktafi wal hamdulillahi rabbil alamin.